cramer le sang sous la croix déchirée. Des prophètes damnés crachent leur haine sacrée. Paris brûle sous l'ombre d'un ciel ravagé. Les idoles s'effondrent, la foi est piétinée. Saints et martyrs tombent sous des rires amers. Les foules se vautrent dans des rituels vulgaires. Les croix se brisent, les chants se muent en cris. Au bord du Styx, la foi s'étiole et fuit. La lumière s'éteint, les croyants humiliés, les impies au festin. Sous les sangs du ciel, que le sacrilège règne. Les hymnes du blasphème, dans un enfer de haine. Déchus, en proie au tourment, livrés à l'horreur des blasphèmes cinglants. L'autel est souillé par la haine et le feu. Dieu pleure des larmes pour l'abîme ténébreux. Les chaînes, au nom de l'art, ils crucifient la peine. Mais dans leurs cris résonne l'agonie d'un monde qui se meurt sous leurs pas maudits. Dans le chaos, la lumière s'éteint. Les croyants humiliés, les impies au festin. Sous les cendres du ciel, que le sacrilège règne. Les hymnes du blasphème, dans un enfer de haine. S'éteint, les croyants humiliés, les impies au festin. Sous les cendres du ciel, que le sacrilège règne. Les hymnes du blasphème, dans un